La 4G, c'est top, mais qu'est-ce que je peux en faire vraiment? En profiter à fond. Avec les formules carrées 4G de SFR, l'abonnement à l'application de votre choix est inclus. Ah, super! Mais c'est quoi comme appli? C'est vous qui choisissez, parmi les 5 extras de SFR. Icoyote ou Canal Play, par exemple. Ah, oh, c'est génial! On préfère dire que c'est extra, et c'est à partir de 30,99€ par mois seulement. Prix sans mobile du carré 4G 3Go avec engagement de 12 mois valable jusqu'au 31 décembre. Réseau 4G sous réserve de couverture avec offre et terminal compatible. Conditions sur sfr.fr. SFR, carrément vous. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le Congrès de Vienne, une refondation de l'Europe ». De quoi piquer la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On célébrera bientôt le bicentenaire de cette réunion internationale, la toute première conférence diplomatique finalement de l'histoire. Une conférence dont devait sortir une carte de l'Europe complètement modifiée. Mais vous allez voir qu'à Vienne cette année-là, on s'est aussi beaucoup amusé. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondez à la question de Céline à propos de la zone 51. Eh oui, la célèbre et mystérieuse, la sulfureuse zone 51 en plein désert du Nevada, un lieu qui passionne depuis un demi-siècle tous les amateurs d'énigmes scientifiques. Pour le moment, je crois que nous sommes attendus à Vienne, Céline. Allons-y. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le printemps 1814 a été bien sombre pour la France, qui pourtant était une grande France à l'époque. On sortait d'un empire de 13 départements qui s'étendait de Hambourg à Rome. Simplement, c'est la fin de l'empire et c'est la fin de cette grande épopée. Napoléon est assailli par l'Europe coalisée et tandis qu'un ultime combat se prépare sous les murs de Paris, les quatre grands, alors quand on dit les quatre grands coalisés, ce sont les Autrichiens, les Britanniques, les Prussiens et les Russes, évidemment, les quatre grands concluent une alliance qui doit durer 20 ans. Ils se font un serment, ils ne déposeront les armes que lorsque Napoléon sera vaincu. L'issue de cette affaire était évidemment inéluctable. Napoléon, vous le savez, abdique à Fontainebleau. Les alliés entrent à Paris. Ce sont les Bourbons qui sont restaurés. C'est donc le frère de Louis XVI, le comte de Provence, qui est devenu Louis XVIII pour les royalistes depuis la mort de son neveu. C'est Louis XVIII qui monte sur le trône. Et dans la coulisse, évidemment, un Français célèbre veille à tout. C'est Talleyrand. Talleyrand a 60 ans à ce moment-là. Il a obtenu le départ des troupes d'occupation, le retour de la France dans ses frontières de 1792, ce qui n'est tout de même pas mal joué. Le traité de Paris est signé. Il redessine déjà, on peut dire, à grands traits les contours de la nouvelle Europe en vue de constituer, et ce sont les termes mêmes du traité, en vue de constituer un équilibre réel et durable. Et par la même occasion, eh bien, on décide de réunir une grande conférence de la paix, si l'on peut employer cet anachronisme. À l'époque, on parlait d'un congrès. Ce congrès se tiendra chez l'empereur François II d'Autriche. Il se tiendra à Vienne. C'est donc toute l'Europe qui est à reconstruire. Et évidemment, on va mettre autour d'une grande table eh bien, tous ceux qui ont intérêt à cette affaire. La France est représentée évidemment par Monsieur de Talleyrand, rude tâche quand même pour le personnage qui emmène avec lui un certain nombre de collaborateurs, le marquis de la Bénardière, le comte Alexis de Noailles, le marquis de la Tour du Pin Gouvernet, ainsi que le duc de D'Albert pour propager les secrets que je veux que tout le monde sache, a dit Talleyrand. Il emmène aussi une femme pour tenir l'ambassade, c'est sa nièce, c'est Dorothée de Courlande, c'est la future duchesse de Dinau, dont nous avons souvent à ce micro eu l'occasion déjà de parler. Les sœurs de Dorothée sont déjà à Vienne, où elles ont enjolé Metternich pour l'une et le secrétaire général du Congrès pour l'autre. Il y a un principe cher aux Français en général et que Talleyrand a littéralement chevillé au corps, c'est le principe de la possession de droits qui prime sur la possession de faits. Autrement dit, pendant des années, Napoléon a conquis des territoires et le fait a primé sur le droit. Eh bien, on va revenir aux vieilles légitimités, aux vieux droits. Il faut que les nations, en quelque sorte, rentrent dans leur lit comme un fleuve après la crue. Le 22 septembre de cette année 1814, le diplomate français, le chef de la délégation française, fait donc donc son entrée au palais Kaunitz. Il faut imaginer Talleyrand avec sa fine tête dépassant d'une énorme cravate blanche, la canne à pommeau d'or. Il rend bientôt visite à tous les chefs de mission, le comte de Nesselrod qui dirige la délégation russe, le prince de Hardenberg pour la Prusse, Lord Castlereagh pour l'Angleterre et le prince de Metternich évidemment pour la Hollande. Il y a aussi les souverains, on va y venir dans un instant avec mon invité, on va vous montrer à quel point il y a eu dans ces négociations de Vienne un certain nombre de strates, il y avait des niveaux de discussion bien entendu. Talleyrand veut essayer, dans la mesure du possible, de limiter les prétentions des différents vainqueurs. La Russie veut la Pologne, la Prusse veut la Saxe, l'Autriche veut le Milanais et les côtes de l'Adriatique. Finalement, seule la Grande-Bretagne s'est déjà servie, si je puis dire, et peut donc s'offrir le luxe de jouer les magnanimes. Le point épineux, nous allons le voir dans un instant, c'est la question de Pologne-Saxe. Talleyrand, grâce aux Anglais et aux Autrichiens, parvient à s'inviter à la chancellerie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son arrivée n'est pas discrète. Vous savez, ça me fait penser à ce film de Sacha Guitry, Le Diable Boiteux, où l'on voit les gens du congrès de Vienne s'entendre comme larrons en foire, et puis d'un seul coup, la porte au fond de l'écran s'ouvre, arrive Talleyrand, silence, et d'un seul coup, eh bien, on peut dire que la situation change. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et vous continuez à nous faire découvrir, Franck, le congrès de Vienne. Le congrès s'ouvre officiellement en novembre. 6 souverains résident à Vienne à ce moment-là, accompagnés de plus de 700 diplomates. Avec, il faut imaginer que ces diplomates ne sont pas venus seuls. Ils ont leur secrétariat, toute leur domesticité. En tout, plus de 100 000 étrangers dans la capitale autrichienne. Une réunion politique sans précédent dans l'histoire. On raconte que les carrossiers viennois ont dû fabriquer pour satisfaire à la demande de plus en plus improbable plus de 300 fiacres supplémentaires. Il faut imaginer évidemment, tous les aventuriers, les joueurs professionnels, les courtisanes, etc., qu'une telle concentration de pouvoir et d'argent peut attirer. Alors, pendant les premières semaines, les négociations diplomatiques vont bon train. Le représentant du tsar est littéralement focalisé sur la Pologne et pense utiliser la Saxe comme monnaie d'échange. La Prusse serait plutôt d'accord. L'Autriche ne l'est pas du tout, parce que la peur des Autrichiens, c'est que les Prussiens ne se renforcent dans cette affaire. Or, les ambitions de la Russie sont contraires à l'esprit du Congrès, puisque le but, c'était précisément d'effacer les traces de l'épopée napoléonienne. Or, si je ne m'abuse, la Russie a obtenu la Pologne, de qui ? De Napoléon. Les Anglais n'y vont pas par quatre chemins. Leur représentant déclare « Il va falloir se décider à surveiller le tsar et à lui résister comme à un nouveau Bonaparte ». Au milieu de cette gentille cacophonie, vous comprenez que M. de Talleyrand a beau jeu de jouer les modérateurs. Dès les premiers temps, le congrès est donc bien près de capoter. Talleyrand joue perfidement des dissensions, il jette de l'huile sur le feu, sème la discorde chez l'adversaire, il bénéficie de toute sa troupe de diplomates en jupon. Ça aussi, je vais y venir parce qu'évidemment, je vous ai dit qu'il était venu avec Dorothée de Courlande, mais elle n'est pas la seule. Les femmes ont joué un rôle important dans ce congrès de Vienne. Il ne faut pas oublier que, évidemment, la journée on négocie dans toutes sortes de commissions, on va venir dans tous ces détails dans un instant, mais le soir, on s'amuse, bien entendu, tout ça a lieu sur fond de bal. Le congrès ne marche pas, écrit le prince de Ligne, il danse. Les coulisses sont pleines de scandales qui circulent par les laquais, par les femmes de chambre, par les valets de pied et surtout par les nombreux espions qui se cachent sous ces différents uniformes. Les documents les plus pittoresques à ce sujet sont fournis par la Hofpolizei et l'empereur François se délecte chaque jour de tout ce qu'on peut lire. C'est ce que, plus tard, Veil publiera sous le nom des « Dessous du Congrès de Vienne ». Alors, je vous donne quelques exemples de dépêches pour vous donner une idée un peu de l'ambiance qui règne à Vienne dans ces années 1814-1815. Une dépêche nous dit, c'est la note du 3 octobre, une des notes du 3 octobre 1814. « Le prince Adam Czartoryski vient d'arriver. Il prendra ici un domestique. On va s'efforcer de lui procurer un homme de confiance grâce auquel on sera renseigné sur son compte, évidemment. » Comme on dirait aujourd'hui, ça balance. Évidemment, vous comprenez pourquoi tous les matins, l'empereur d'Autriche se jette littéralement sur ses notes de police qui le divertissent beaucoup. « Tous les Autrichiens sont enchantés du rôle digniteux et magnifique que joue notre cour », annonce une autre note, toujours de la même journée. « On a entendu dire à un des dignitaires du palais, envoyé au-devant de l'empereur Alexandre de Russie, c'est un vrai sauvage. » Et voilà, le voilà habillé, lui. « Un dîner donné par Metternich », nous annonce une autre note, « on a fort admiré le service aux armes de Bonaparte, service donné par Bonaparte en prix de l'Holocauste de la nouvelle Iphigénie. Je vous passe la suite. D'ailleurs, si cela vous amuse, j'ai recopié un certain nombre de ces notes sur mon site. Il suffit donc d'aller sur francferrand.com et vous aurez un certain nombre de ces notes qui ne sont vraiment pas à piquer des vers. La seule femme de la cour d'Autriche qui, au milieu des bals, au milieu de tous les amusements, les concerts, etc., et les pièces de théâtre qui sont données, il ne faut pas oublier quand même qu'on a fait venir les chanteurs de l'Opéra de Paris, un certain nombre de grands comédiens qui arrivent d'Allemagne, la seule femme à s'ennuyer, eh bien, c'est l'épouse de Napoléon, c'est l'ex-impératrice des Français, Marie-Louise, qui est après tout de la famille, n'est-ce pas? Elle est chez elle à Vienne et cependant, étant donné son statut tellement particulier, cette femme n'a pas le droit, elle, de s'amuser. Elle n'a que 23 ans, vous imaginez, et la voilà réduite à un triste rôle. Elle est obligée par un œilleton qu'on a pratiqué dans une boiserie à regarder les autres danser et s'amuser. Alexandre n'en démord pas, le roi de Prusse sera aussi roi de Saxe, dit-il, comme je serai moi-même roi de Pologne. Voyez néanmoins que la diplomatie est là, toujours présente, et qu'elle ne perd bien entendu jamais ses droits. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du congrès de Vienne que vous continuez à nous faire découvrir, Franck. Peu à peu, le congrès s'enlise, disons-le. Les commissions se perdent dans des discussions à l'infini. On en est aux négociations. Les Russes disent aux Français « Cédez sur la Saxe et nous vous soutiendrons sur Naples ». Talleyrand répond « Monsieur, vous me parlez là d'un marché et je ne veux pas en faire. Moi, je suis obligé de suivre des principes et les principes ne transigent pas. » C'est bien la première fois qu'on voit Talleyrand se réfugier derrière des principes. Il travaille en vérité à détacher l'Autriche et l'Angleterre de la Russie. Et de fait, le 3 janvier 1815, la France, l'Autriche et l'Angleterre signent un traité d'alliance défensive, ce qui permet à notre ministre sur place d'écrire à Louis XVIII « Maintenant, la coalition est détruite et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus isolée en Europe, mais Votre Majesté a déjà un système fédératif tel que 50 ans de négociations ne semblaient pouvoir parvenir à lui donner. » Talleyrand peut se montrer grand seigneur désormais, et lui, dont le comportement prêterait à tant de commentaires au temps de la Révolution, s'offre le luxe de donner le 21 janvier 1815 une grande messe de deuil à la cathédrale Saint-Étienne, en la mémoire du roi Louis XVI. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, le 5 février, au Palais Konitz, très grande fête donnée par Talleyrand. Alors là, vraiment pour éblouir non seulement Vienne, mais à travers tous les diplomates présents, l'Europe entière, pour célébrer tout simplement, et en toute modestie, son 61e anniversaire. Avec le temps, force est de l'admettre, le congrès est en train de tourner à la discussion infinie et totalement stérile. On traite de quantité de questions belges, hollandaises, lombardes, suisses. Mais Talleyrand n'assiste qu'aux réunions sur Naples, la Pologne et la Saxe. Sur ce dernier sujet central, un accord est sur le point d'être trouvé. Talleyrand et Wellington, qui maintenant est le représentant de l'Angleterre, s'apprêtent à partir en mission à Presbourg pour rencontrer le roi de Saxe. Au moment où arrive une très grande nouvelle, une nouvelle qui change tout, Napoléon a débarqué à Golfe-Juan. C'est toute l'affaire, vous savez, de cette aventure incroyable. Napoléon a quitté l'île d'Elbe, il va remonter le couloir rhodanien jusqu'à Paris. Le 20 mars, il est aux Tuileries. Évidemment, ça change tout. Dès le 25 mars, on n'a pas attendu longtemps, malgré la lenteur des courriers de l'époque, dès le 25, l'alliance est reconstituée contre la France. Le 27, Talleyrand, un peu forcé, doit y donner son adhésion. Pour lui, on peut dire que le printemps va être très difficile, au moins jusqu'au 18 juin et jusqu'à l'annonce de la défaite de Napoléon à Waterloo. tard, un second traité de Paris sera signé. Le 20 novembre 1815, traité terrible pour la France, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. France ramenée à ses limites d'avant la Révolution, qui perd notamment la vallée de la Sarre, et ça lui fera cruellement défaut, évidemment, en 1870, au moment de la guerre contre les Prussiens. La Prusse ressort de tout ça fortement consolidée. L'Autriche aussi, au détriment de tout le nord de l'Italie. La Russie a fait main basse sur la Finlande et la Bessarabie. Une barrière s'est constituée autour de la France avec les Pays-Bas, la Confédération suisse, le Royaume de Sardaigne. Alors c'est vrai, les Bourbons-Siciles ont retrouvé leur trône de Naples, mais vous me direz, c'est vraiment pas grand-chose. Il est vrai que le Congrès a traité d'un certain nombre de questions générales. La libre navigation des fleuves internationaux, la suppression de la traite des Noirs, etc. Mais après les espoirs de 1814 et les conclusions de 1815, assez saumâtres, notamment pour la France, on peut dire que ce Congrès se révèle vraiment un échec pour nous. Alors peut-être qu'il faut le voir autrement. Et peut-être qu'il faut changer de point de vue. C'est ce que nous dit en tout cas Thierry Lenz dans son ouvrage sur le Congrès de Vienne. Il nous dit que nous avons depuis trop longtemps eu tendance à considérer ce congrès d'un point de vue franco-français et à n'y voir que le rôle de Talleyrand face à l'Europe, et qu'il serait peut-être plus intéressant de voir en quoi ce congrès préfigurait l'Europe et le regarder de son propre point de vue, d'aller le voir là-bas depuis Vienne et d'une façon plus générale, d'une façon plus géostratégique depuis l'Europe elle-même. Ce qu'est derrière ce grand tableau un peu sombre, la petite histoire aura retenu du congrès de Vienne, ce sont, disons-le, les couloirs, les alcôves, toutes ces histoires un peu lestes, évidemment, qui ont fait rire l'Europe entière, car s'il a assez peu et plutôt mal travaillé, le congrès, disons-le, s'est bien amusé. Et c'est ici qu'on retrouve le regard ironique de Paul Morand, qui a décrit, évidemment, les amusements du congrès de Vienne. L'empereur tenait, quand il dit l'empereur, c'est l'empereur d'Autriche, il tenait table ouverte, écrit Paul Morand, à la Hofburg, à Schönbrunn, à Luxembourg. Cela coûtait 50 000 florins par jour. Au sixième mois, le congrès en était à son 40e million. 8 000 bougies brûlées par nuit. On avait fait venir l'Opéra de Paris. On avait fait venir des acteurs de toute l'Europe. Apogée d'une civilisation du plaisir, après tant de ruines, de misères, de sang versé, plaisirs inégalés en quantité, qualité et durée. Des mœurs raffinées comme du Mozart, gardant toutefois dans le phénoménal une grâce viennoise, une recherche exquise, sans débauche babylonienne, des joies sans goinfrerie, sans ivresse à l'anglaise, sans grosses farces à l'allemande. La Hofburg continuait d'être interdite aux pourceaux et l'ombre de la prude Marie-Thérèse, dans la vaisselle d'or de qui l'on mangeait, pouvait être fière de ses descendants. Une perfection dans le sybaritisme, ce qui se ressentait de l'influence d'un vieux maréchal présent à ses fêtes et qui se nommait le prince de Ligne. Oui, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que le prince de Ligne a 80 ans à ce moment-là et que lui, il a tout connu des grandes fêtes d'autrefois. Le prince de Ligne a connu la cour de Catherine II, il a connu la cour de Louis XVI à Versailles et pour lui, le monde est mort. C'est en tout cas ce qu'il écrit dans son journal. Vous savez, nous dit Paul Morand, on croit toujours que le monde est mort quand on a 80 ans. Alors il faut entrer dans le détail de toutes ces fêtes du congrès, les redoutes masquées chaque semaine à la Hofburg, les chevaux lipisants du manège de l'école et de l'école espagnole viennoise, qui ce manège qui sert de salle de bal, qui sert de salle de carrousel. On fait de grandes fêtes partout, des tableaux vivants historiques, parce qu'on est dans la pleine redécouverte du style néo-gothique qui est en train, grâce et à travers le congrès de Vienne, de faire un retour en force en Europe. Les délégations renchérissaient sur le luxe, écrit Paul Morand. Leurs loteries sont restées célèbres, ainsi que les bigarrures des menus. La russe, délégation russe, distribuait des zibelines, la prussienne des porcelaines de Berlin. Les gagnants étaient tenus d'offrir leur lot à la dame qui les accompagnait. Par courrier arrivaient les sterlets de la Volga, les huîtres d'Ostende, les ananas des célèbres serres d'hiver de Peterhof et le caviar de Moldavie et les truites de Valachie. La Hofburg assurait gratuitement le service des voitures. Il fallait des chevaux pour les caracoles du Prater, les chasses de Heiligenkreuz, les patinoires de Schönbrunn, les postes attelés, les carrossiers viennois avaient dû, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prévoir de nouvelles voitures. Les souverains s'entre-décoraient, accumulaient les cadeaux offerts ou reçus, se faisaient des visites tous les matins, s'offraient des régiments ou de grands cordons de leurs ordres, l'éléphant, l'aigle noir, la toison, le lion, le phénix, le bain, que sais-je. On s'offrait aussi des provinces, on se donnait des régiments, comme le port de l'uniforme était immédiatement vêtement obligatoire. Les tailleurs juifs de Vienne devaient passer les nuits à tailler et à coudre, tandis que les diplomates passaient, eux, leur matinée à tailler et à recoudre l'Europe. Dorothée de Périgord tint magnifiquement son rang au palais Kaunitz et lors des fêtes, du moins si l'on ne tient pas compte du fait qu'elle était tout de même la maîtresse de son oncle Talleyrand, écrit Thierry Lenz dans son bel ouvrage sur ce congrès de Vienne. Talleyrand avait, nous dites-vous d'ailleurs, 40 ans de plus qu'elle à cette époque. Entre autres frasques, et alors là, il y a toutes ces femmes du congrès de Vienne. Jeanne d'Acerenza fit tant languir Gens qu'il finit par ne plus l'appeler que la putain de Courlande. Pauline de Hohenzollern n'arriva au congrès qu'en mars 1815, en même temps que sa mère, la duchesse de Courlande, et n'eut pas le temps d'y faire parler d'elle. Reste la quatrième sœur, parce que toutes ces sœurs-là sont les sœurs de Courlande, Wilhelmine de Sagan, dont on a dit un mot tout à l'heure, qui, ce détail cocasse, avait pris ses quartiers au palais Palme, comme la princesse Bagration. Chacune avait une aile du palais, ce qui ne rendait pas évidemment la vie facile dans ce secteur de Vienne. Après avoir été la maîtresse d'un noble suédois, l'épouse d'un Rohan, puis d'un Trubetskoy, elle était depuis l'été 1813 la maîtresse de Metternich, à qui elle n'était évidemment pas plus fidèle qu'aux autres, ce que son amant, du reste, lui rendait bien. C'était quand même singulièrement leste, ce congrès de Vienne, Thierry Lenz. Oui, c'était, comme vous l'avez dit, le retour de la fête après 25 ans de guerre. Donc comme on a très peu su à l'époque ce qui s'est passé dans les séances, pendant le congrès proprement dit, on a beaucoup parlé des à côté, puisque, comme vous l'avez dit, il y avait des commissions, que ces commissions étaient très restreintes et que il fallait bien occuper les centaines d'autres diplomates qui n'avaient rien à faire. Que faisait-on dans ces commissions? À quoi travaillait-on exactement? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du congrès de Vienne avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur le Premier Empire. Thierry Lenz, vous nous expliquez dans cet ouvrage sur le congrès de Vienne que nous avons eu, nous autres Français, tendance à trop regarder les choses depuis Paris et à trop mettre en avant ce personnage de Talleyrand, ce que j'ai fait moi-même dans mon récit d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher. Oui, mais c'est aussi ce qu'illustre le texte de Morand. C'est un texte qui est très critique à l'égard du congrès parce que, effectivement, à l'arrivée, le congrès, mais aussi à cause du retour de Napoléon, le congrès aboutit à la mise en quarantaine de la France, on va dire, jusque dans les années 1840. Et évidemment, c'est cela que les Français ne pardonnent pas au Congrès. Alors qu'en réalité, le Congrès a beaucoup travaillé en formation restreinte. Et puis, il a abouti à un traité final, 122 articles, avec 8 ou 9 annexes qui représentent eux-mêmes des centaines d'articles, qui a véritablement réorganisé l'Europe, essayer d'organiser l'équilibre et la paix. Et au fond, cette paix de Vienne, elle a duré jusque dans les années 1910 et s'est terminée avec notamment le fameux, ce qu'on appelait le concert européen, qui était le droit pour les grandes puissances de gouverner le reste de l'Europe, qui a très bien fonctionné pendant tout le 19e siècle. Alors il y a deux grandes périodes effectivement qu'il faut distinguer parce que on peut dire que le congrès n'a rien à voir avant et après. C'est toute la période qui précède le printemps 1815 et puis la conclusion du congrès après l'expérience, après l'histoire des 100 jours. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est là qu'il faut peut-être balayer un peu devant notre porte, si Napoléon ne s'était pas lancé dans cette aventure, s'il n'avait pas quitté l'île d'Elbe, s'il n'était pas remonté à Paris, s'il n'y avait pas eu toute cette dernière coalition contre lui avec la défaite de Waterloo, au bout du compte, il est possible que le Congrès aurait été plus amène, plus respectueux envers la France. Oui, et on peut dire, ça n'est pas du tout un paradoxe, que Napoléon a sauvé le Congrès de Vienne. C'est-à-dire, comme vous le disiez, on était à un moment où Talleyrand avait bien réussi son coup. C'était très, très difficile de se mettre d'accord sur tout un tas de sujets. Il débarque. Signalons quand même que l'acte final du Congrès est signé le 9 juin 1815, donc une semaine avant Waterloo, et que, en réalité, comme vous le disiez, c'est le second traité de Paris qui, lui, est négocié, on va dire, en dehors des accords de Vienne, mais là, on a un cas spécifique d'une nation qui n'a pas respecté le concert, et donc on la sanctionne, et on la sanctionne sévèrement. L'historien Pierre Branda dit toujours, les 100 jours sont les 100 jours les plus chers de l'histoire de France, et c'est la vérité. Oui. Venons-en aux travaux de tous ces diplomates. D'abord, où s'effectue la négociation? Parce que c'est un peu complexe. Il y a des souverains, il y a des chefs de mission diplomatique, et puis ensuite, il y a toutes sortes de délégués qui viennent avec eux-mêmes, des secrétaires, etc. Oui. Alors, on a organisé les choses autour des diplomates. C'est-à-dire que la présence des souverains était une présence, en quelque sorte, on célébrait la paix entre souverains. Les chefs de délégation, etc. Voilà, d'où les fêtes. Bon, les chefs de délégation conduisaient la délégation au nom de leur souverain, mais si vous voulez, au lieu de leur envoyer des dépêches à 1000 km de là, ils traversaient la rue et ils allaient leur expliquer ce qui s'était passé. Ce qui fait qu'on a pris des décisions très rapidement, et notamment au moment du retour de Napoléon. Et Napoléon lui-même a dit dans ses mémoires que ça avait été une erreur de sa part de débarquer à Golfe-Juan pendant que le Congrès était réuni. Parce que les souverains, on a appris son arrivée à 7h du matin, à 10h il y a eu une réunion des ministres, et à 20h les souverains étaient réunis et décidaient de se coaliser contre lui. Vous qui êtes sans doute, l'un des plus grands spécialistes de Napoléon dans ce pays, Thierry Lenz, vous permettez qu'on fasse une petite parenthèse et qu'on se pose cette question, comment Napoléon a-t-il pu de cette façon se jeter dans la gueule du loup? Il savait très bien que le Congrès était réuni à Vienne. Alors il savait, il pensait que le Congrès était en cours de dislocation, et donc il a, comme souvent dans sa carrière, il a lancé les dés au moment où, pour lui, c'était vraiment le moment le de les moins, lancer. Oui, voilà, mais c'était peut-être pas très favorable néanmoins à cause de cette réunion de chefs d'État dont on parlait. Le Congrès l'a mis en quarantaine totale à partir de son retour aux Tuileries. Alors fermons cette parenthèse, on a bien compris que les quatre grandes puissances, parce qu'on a tendance à vouloir résumer le Congrès de Vienne assez aux Autrichiens, aux Anglais, aux Russes et aux Français et aux Prussiens, il faut quand même pas oublier qu'il y avait tous les autres pays. C'est un peu comme l'histoire du traité de Versailles, d'ailleurs. On a réglé les questions de bien d'autres territoires et de bien d'autres souverains, bien entendu. Et le Congrès de Vienne est aussi un exemple de grande diplomatie. C'est-à-dire que vous sortez de 25 ans de guerre où les gens se sont quand même beaucoup déchirés. Et puis, vous avez des diplomates qui appliquent une règle, qui disent, écoutez, voilà, bon, on s'est bien battu, maintenant, il faut reconstruire quelque chose. Et à l'époque qui nous concerne, 1814, cette chose ne peut pas se reconstruire sans la France, qui est un des plus grands pays européens à ce moment-là. Donc on dit, écoutez, on va la mettre sous surveillance, mais on ne peut pas faire autrement que de la laisser participer à la discussion. Alors, cette France va jouer un rôle assez déterminant du fait de la personnalité de Talleyrand, en grande partie, mais aussi du fait, comme vous le dites, de sa puissance naturelle. Ce qu'il faut dire, c'est que le Congrès de Vienne n'a pas seulement traité des problèmes entre la Russie et l'Autriche, les problèmes de la Pologne, de la Saxe, de Naples, etc. Il a aussi réglé un certain nombre de questions internationales. Est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance du droit international ? C'est absolument la naissance du droit international, puisque, comme vous le signaliez, il y a des textes supranationaux qui sont signés au moment du Congrès, la libre circulation sur les rivières, le droit diplomatique, l'abolition de la traite des Noirs, et puis surtout la création de ce concert européen qui est une sorte de conseil de sécurité, si vous voulez, et qui aujourd'hui, c'est ce qu'un prof de droit international appelle la diplomatie de connivence, c'est-à-dire les gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent, mais aujourd'hui le G8, qu'est-ce que c'est d'autre que la commission des 5 ou la commission des 8 du Congrès de Vienne? Oui, finalement, ça ressemble quand même beaucoup. Alors, cette réunion de diplomates absolument sans précédent va accoucher d'un certain nombre de nouveautés, il faut quand même expliquer. C'est la carte de l'Europe qu'on est en train de redessiner. On la redessine telle qu'elle va rester jusqu'en 1914. Et d'ailleurs, la preuve que le Congrès et le concert européen qui a suivi sont des éléments souples. Il y a eu beaucoup de crises tout au long du 19e siècle. Elles ont toujours été maîtrisées, n'ont jamais dégénéré en guerre générale. Et malgré tout, ce congrès qu'on dit oppresseur des nationalités crée la Belgique, crée la Roumanie, il crée la Grèce, il crée les puissances balkaniques, etc. Ça veut dire qu'il a aussi, pour préserver la paix, c'est ça le but essentiel du traité de Vienne, pour préserver la paix, eh bien, on est prêt de temps en temps à mettre ses principes de côté et à laisser aller. Il y est arrivé à préserver la paix ? Jusqu'en 14, oui. C'est quand même pas mal, après tout. Oui, on parlait tout à l'heure, les deux grands vainqueurs du Congrès... C'est-à-dire un siècle de paix, finalement. Enfin bon, il y a quand même eu la guerre... Mais ce sont des guerres régionales. Ouais, si vous voulez, nous vivons en ce moment une période de paix qui n'est pas encore aussi longue que celle du Congrès, mais on a eu des tas de guerres régionales. La guerre franco-prussienne est une guerre régionale pour l'Europe. Les Européens, à ce moment-là, sont appelés au secours par Napoléon III ou par Guillaume Ier. Et qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? C'est une affaire franco-prussienne. Le concert européen n'a pas à s'en occuper. Et c'est ce qui s'est passé dans la guerre austro-russe. Le moment où les choses vont basculer, c'est au moment, et ça devrait nous servir de leçon, c'est au moment où la superpuissance de l'époque, la seule superpuissance mondiale de l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre, va décider de se désintéresser des affaires du continent. Et ça, c'est à partir du début des années 1900. Les Anglais ne jouent plus le jeu du concert. guerre, il laisse dégénérer les guerres balkaniques. Ce sont les seuls qui peuvent intervenir, c'est les États-Unis de l'époque, si vous voulez. Hein. Et en fait, ils reprennent une politique égoïste d'arrangement direct avec l'Allemagne. Et donc forcément, au moment où les deux vont rompre, eh bien, l'Angleterre et l'Allemagne vont entraîner l'Europe dans la guerre. C'est la fin du système qui avait été mis en place exactement, à Vienne. Mais ce système a donc duré plusieurs décennies, il ne faut pas l'oublier. On a parlé tout à l'heure, enfin c'est moi qui ai employé ce terme de principe, après tout c'était là-dessus que Sarkboutet et Talleyrand, on va venir à Talleyrand d'ailleurs dans un instant, mais avant ça j'aimerais qu'on revienne sur les différents principes défendus par les différentes délégations, et on va voir qu'au moment où tout ce monde-là s'assied autour de la table, eh bien ce ne sont pas les mêmes principes qui prévalent. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Écoutez Joseph Naderman et Frédéric Duvernoy, un extrait de musique à la cour napoléonienne, puisque nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du congrès de Vienne avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. On sait à quel point l'Autriche est un pays conservateur, et quand on va aujourd'hui à Vienne, on peut se retrouver dans le décor même du congrès de Vienne, Thierry. Oui. Ben, par exemple, le congrès, il y a un grand dessin qui n'est pas un tableau, qui est connu du congrès, c'est le fameux dessin d'Isabey qui représente l'ensemble des négociateurs. Séance plénière, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs. Hein. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, le congrès ne s'est jamais réuni en séance plénière. Il y a eu une seule réunion, c'est à la fin pour signer. Et donc cette salle, qui est aujourd'hui la salle du Conseil des ministres autrichien, eh ben, elle existe encore et elle a été maintenue en l'état. On peut comparer photos et dessins. Oui, même les fauteuils se ressemblent beaucoup. Voilà, alors il y a une légende. Vous savez, quand Talleyrand a été admis à la commission des quatre, comme chacun entrait par une porte différente dans cette salle, Talleyrand a exigé qu'on perce une porte pour lui. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, cette pièce a cinq portes. Mais en fait, renseignement pris auprès de la chancellerie autrichienne, la cinquième porte a été ouverte en 1834. Donc, la légende de Talleyrand exigeant une porte est exagérée. Fin d'une belle légende. Décidément, l'ombre de Talleyrand plane littéralement sur ce congrès. Il était le grand homme d'Europe à ce moment-là. Quand il est arrivé à Vienne, ça a été un événement plus important que l'arrivée de l'empereur de Russie ou du roi de Prusse. Le roi de Bavière, un jour, confiait à un de ses proches: j'aimerais beaucoup discuter davantage avec monsieur Talleyrand, mais il me fait peur. C'est incroyable. Il était, en plus, Talleyrand, comme vous le disiez, toujours tiré, évidemment, à quatre épingles, portant toutes ses décorations à chaque apparition, et Dieu sait qu'il en avait. Enfin, et gardant un silence de sphinx, et finalement ne disant de choses que lorsqu'elles avaient un impact. C'était pas un discuteur, c'était vraiment, rien chez lui n'était gratuit. Alors, quels sont les coups d'éclat de Talleyrand pendant ce congrès? Alors, il en a trois essentiellement, vous en avez parlé à chaque fois. C'est au tout début du congrès, cette fameuse scène extraordinaire où il donne une leçon de droit public à l'ensemble des autres. D'ailleurs, quand il se sépare, Gaines écrit dans son journal « Ce diable de Talleyrand a mis tout notre système en l'air, ils ont été obligés de recommencer ». Ça, c'est la première chose. Bon, en fait, il obtient d'aller dans la commission des quatre qui devient commission des cinq, mais les quatre se réunissent quand même sans lui pour se mettre d'accord. La deuxième coup d'éclat, c'est le fameux traité du 3 janvier 1815 où il était bien prêt de la réussir, France hein. vaincue passe une alliance avec ses ennemis pour lutter contre les autres. Enfin, c'est tout incroyable. À fait incroyable. Et en fait, on imagine ce que ça aurait pu donner si Napoléon n'avait pas débarqué. On était bien prêt de remporter la mise. Hein, oui. Alors, le problème, c'est que Talleyrand a beaucoup joué pour sauver la Saxe, puisque le roi de Saxe était parent de Louis XVIII, et qu'en fait, une fois qu'il a eu sauvé la Saxe, il s'est pas tellement occupé des Polonais, ce qui fait qu'à l'arrivée, le tsar a eu quand même la Pologne. Et c'est donc, le tsar est un des grands vainqueurs du congrès. Puis le troisième coup d'éclat, c'est justement au moment de l'annonce du retour de Napoléon, il y a un vent de panique qui souffle sur les palais, et celui qui trouve la solution, c'est Talleyrand. C'est-à-dire qu'il réunit les gens, et il leur dit, maintenant, voilà, le moment de défendre les principes, et maintenant, c'est lui qui fait signer la fameuse déclaration du 13 mars où Napoléon est mis hors la loi européenne, et puis les fameux traités du 25. Mais là aussi, le résultat n'est pas aussi extraordinaire que prévu, puisque à partir du 27, lorsqu'on apprend que Napoléon est rentré le 20 mars à Paris, ben les gens disent à Talleyrand, mais vous représentez qui vous, votre roi est en fuite, vous n'êtes évidemment pas un partisan de Napoléon, et là il va perdre totalement son influence. D'ailleurs, même dans la rédaction des traités qui avait été confié à la Bénardière, un Français, on va retirer la Bénardière du comité de rédaction et on va y mettre le fameux Gaines, qui est lui aussi un personnage qui mériterait plusieurs émissions extraordinaires. Un roman, là, vraiment. Ouais. Mais c'est terrible ce qui arrive à Talleyrand, c'est-à-dire que son talent, son expérience, la puissance sur laquelle il s'appuie, ont permis, et les principes que pour une fois il va mettre en avant, et qui lui permettent de se placer au-dessus, en quelque sorte, de tous les intérêts particuliers qui sont là et qui s'expriment, lui avait permis quasiment de remporter pour la France une invraisemblable victoire diplomatique, totalement inattendue. C'est ce qu'il écrit d'ailleurs au roi Louis XVIII. Et puis voilà que Napoléon vient tout... Napoléon est la bête noire de Talleyrand, si l'on peut dire, pour renverser ce qu'on dit, ce qu'on dit habituellement. On a fait beaucoup de reproches à Talleyrand, et notamment, il y en a un sur lequel je consacre une bonne dizaine de pages à ça, c'est qu'au moment du règlement de l'affaire de la Saxe, comme on ne donne pas la Saxe à la Prusse, on lui donne en compensation quelques territoires sur les bords du Rhin. Et donc, on a évidemment reproché à Talleyrand d'avoir mis la Prusse sur le Rhin, comme on disait, et donc d'être responsable de la guerre de 70, de la guerre de 14, de la guerre de 39, etc., et de tous les malheurs du monde. Quand on regarde les analyses qui ont été faites tout au long du 19e siècle sur cette décision, et y compris immédiatement après le Congrès, tout le monde a dit les Prussiens se sont fait avoir. Parce qu'on a donné aux Prussiens des territoires qui, certes, étaient la Ruhr, une partie de la Westphalie, etc., mais pas du tout industrialisés, totalement arriérés, agricoles, et totalement anti-prussiennes, beaucoup plus pro-françaises qu'anti-prussiennes. Donc, en réalité, on peut évidemment lui reprocher d'avoir fait beaucoup de spectacles pour peu de résultats immédiats, mais les décisions prises au Congrès ne sont pas directement responsables de la guerre franco-prussienne ou de la Première Guerre mondiale, où c'est en réalité le non-respect des principes de Vienne qui a fait tout déraper, puisque le concert européen, donc la fameuse réunion des 4, puis 5, puis 6 avec l'Italie puissance, n'a plus fonctionné parce que l'Angleterre ne voulait plus en entendre parler. C'est un véritable laboratoire, finalement, C'est très intéressant, et je crois qu'on y comprend aussi beaucoup de la politique européenne traditionnelle aujourd'hui. Les forces profondes de la diplomatie ne se modifient pas parce que la duchesse de Sagan change d'amant ou parce que Napoléon revient de l'île d'Elbe. Ça se modifie sur des dizaines d'années, voire des siècles, et c'est ce qui est intéressant d'aller revoir un peu comment fonctionnait l'Europe de ce moment-là. La princesse Esterhazy, dont le mari est à la chasse, a reçu un mot de l'empereur Alexandre lui faisant savoir qu'il viendrait passer la soirée chez elle. La princesse lui a communiqué la liste des dames en le priant de rayer celles qu'il ne désire pas rencontrer. L'empereur les a rayées toutes sauf elle. Ça, c'est dans une de ses petites notes. Alors, dans les notes de la police de Vienne, on a donc évidemment, passez-moi l'expression, qui couche avec qui. Ben voilà, c'est ça. Et en réalité, le tsar Alexandre est un véritable érotomane. Il est tous les jours en route, si l'on veut. Et alors, il y a dans toutes ces dépêches, il y en a eu une triomphante d'un agent qui dit le tsar a entrepris Madame Intel, il n'a pu dépasser les murailles. Donc, et là, alors là, c'est l'événement, puisque pour la première fois, pendant les 8 mois il est demeuré court. Voilà. ça ne lui arrivait pas souvent. Une autre note de la police dit, je trouve ça très joli, c'était pour Noël 1814, il a dû s'amuser le rédacteur. L'empereur de Russie aime pour tous. Le roi de Bavière parle pour tous. Le roi de Prusse critique pour tous. Le roi de Württemberg mange pour tous. Et l'empereur d'Autriche paie pour tous. Finalement, l'Autriche n'a pas été le grand bénéficiaire de cette affaire. Non, les finances publiques autrichiennes ont fait faillite. Après le Congrès, il a fallu créer une nouvelle monnaie. Ils ont fait ce qu'avait fait la France au moment du Directoire, une banqueroute des deux tiers. Enfin, ça a été. Ils se sont saignés, mais en même temps, ils sont redevenus la grande puissance continentale. Voilà, parce qu'ils gagnent aussi le Milanais. Ils vont garder leur petit morceau de Pologne. Ils retrouvent un accès à la mer dans les Balkans. Metternich a fait du bon travail. On n'est pas sûr qu'il ait toujours su ce qu'il faisait. C'est ce que dit Gens quand il commente le travail de son patron, mais il l'a bien fait. Ce qu'on aime bien généralement chez les historiens anglo-saxons, c'est qu'ils sont capables de s'abstraire de considérations nationales pour parler, d'abord pour se remettre dans l'esprit du temps, et puis pour parler d'ailleurs, en quelque sorte. Je pense qu'on peut dire que c'est ce que vous avez fait, Thierry Lenz, dans ce très bel ouvrage qui s'appelle « Le Congrès de Vienne », avec un sous-titre qui dit tout, « Une refondation de l'Europe 1814-1815 ». C'est donc paru chez Perrin. D'ailleurs, le livre a obtenu, c'est vous qui avez obtenu le prix Pierre Laffut qui va vous être remis là dans quelques jours. Oui, voilà, je suis très content parce que Pierre Laffut, que les gens ne connaissent plus tellement, est un historien qu'on a beaucoup lu quand nous étions jeunes. Et donc, je relis en ce moment pour préparer cette remise. Merci beaucoup Thierry. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck, à la question de Céline sur la fameuse zone 51. Et oui, on reparle de la zone 51 depuis quelque temps à cause de ce rapport officiel de la CIA qui est sorti des archives interdites. Vous savez, on a déclassifié ce document et ça permet, c'est un gros document, 407 pages, mais ça permet de lever le voile sur l'histoire du programme U2 entre 1954 et 1974. Alors évidemment, on est très curieux de savoir s'il est question de Roswell ou d'Alien dans cette affaire de la zone 51. Il n'en est pas question du tout dans les 407 pages du document. Mais en revanche, on parle beaucoup de cette fameuse zone 51. Alors qu'est-ce que c'est que la zone 51 pour ceux qui ne sauraient pas encore? Ça se situe au centre du désert du Nevada, aux États-Unis. On est à environ un petit peu moins de 200 km au nord-ouest de Las Vegas. Cette zone forme une sorte de grand rectangle au centre du plus grand site militaire des États-Unis qui couvre un septième du territoire de l'État du Nevada. Cette zone est située dans un espace aérien strictement interdit, qu'on appelle Dreamland. On l'a appelé Zone 51. En fait, le vrai nom, c'est Groom Lake, hein, du nom d'un lac asséché où s'est installée la base. Mais en fait, évidemment, il y a tout un folklore qui s'est développé peu à peu avec ce qu'on appelle l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des extraterrestres, avec le développement de films comme Independence Day, de feuilletons comme X-Files, etc. Et donc, la Area 51, la Zone 51, est devenue un véritable lieu mythique aux États-Unis. Et vous savez qu'on dit qu'un ovni se serait écrasé au Nouveau-Mexique en 1947 et aurait ensuite été étudié en secret et caché sur cette fameuse zone 51. Rien à voir, nous disent les autorités. En fait, ce qu'on a vu, ce seraient les vols d'avions U2 qui ont été assimilés à des objets volants non identifiés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet avion U2, cet avion espion, il volait extrêmement haut, à plus de 20 000 mètres contre 3 à 6 000 pour les avions habituels. Et donc, ça, en volant aussi haut, il reflétait le soleil et ça donnait des espèces d'éclats dans le ciel qui auraient pu passer pour des soucoupes volantes. Je ne sais pas si cette explication vous convainc. Ce qui est certain, en tout cas, et ça c'est objectif, c'est que la zone en question était un lieu idéal pour tester l'avion U2, ce nouvel avion espion de l'armée américaine, et pour former les pilotes dans la plus grande discrétion. Et rien que ces considérations d'ordre stratégique pouvaient justifier, évidemment, j'allais dire la discrétion, mais à ce niveau-là, c'est plus de la discrétion. Hein. Tous ceux qui sont allés sur place ou qui connaissent des gens qui ont eu de près ou de loin des liens avec cette zone 51 savent à quel point, aux États-Unis, elle est entourée d'un incroyable dispositif de secret. Eh bien, il semblerait que le secret soit lié essentiellement à des considérations d'ordre stratégique et militaire et non pas, n'en déplaise aux ufologues, à des liens avec les extraterrestres. Ça, c'est en tout cas ce qu'on dit. Et ce qu'il faut dire, c'est que le rapport qui a été déclassifié récemment ne dit rien d'autre. Maintenant, s'il disait autre chose, on peut aussi imaginer qu'il n'aurait peut-être pas été déclassifié. Et comme tous ces grands sujets, il me semble que cette zone 51 reste et restera pour très longtemps encore un des grands mystères de l'histoire contemporaine. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, nous allons parler de l'aide juridictionnelle, à savoir l'assistance d'un avocat gratuit. La justice pour tous, c'est dans quelques minutes sur Europe 1 en compagnie des experts. J'attends bien entendu vos appels, 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr, c'est gratuit Franck. Eh bien merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. Oui, à demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.